Bonjour tout le monde. Allez, ça a commencé. Allez, j'espère que vous allez bien. Je sais pas quel numéro c'est de Floodcast, j'ai pas vérifié avant. 14, on va dire que c'est 14. C'est le numéro pi. Alors, est-ce que vous savez excuse-moi, je crois que Carlito est invité. Salut, la table. C'est moi, bon, c'est Carlito. Combien de chiffres après la décimale vous savez dire pour pi? Bah moi 3,14, hein, ça va très vite. Et toi? Moi, j'en ai 5. T'en as 5? Alors, c'est bien simple. C'est faux parce que personne ne peut vérifier de toute façon. Bah si, si, vas-y, dis. 3,1415, 6, je crois. Non, c'est 9. C'est 116, c'est 9. 3, 14, 15, 92, 26, 53, je crois. Hein. Mais 58. Est-ce que vous saviez que tout est en rapport avec pi dans la nature? Et si tu prends la distance de ta première phalange par rapport à la deuxième phalange, c'est un rapport de pi. Non, si tu prends ta première phalange par rapport à la longueur de ta main, c'est un rapport de pi. C'est faux. Ta main par rapport à la porte de un rapport de bit, ouais. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout est faux dans ce que tu as dit. C'est faux, mais bon, pour une fois qu'on donne des informations intéressantes, on va parler de nos derniers films qu'on a regardé. Il squatte l'antenne. Flaubert, il squatte l'antenne. Mais moi, je squatte l'antenne. Je suis un peu le pirate ici. donc autour de la table par la présentation, je suis avec Julien Pestel. Pestel, n'en faites pas trop non plus. Arrêtez, oui. Julien Pestel, donc tu es comédien, auteur, enfin toi tu. Si, je suis un peu touche à tout. C'est bien ça. Une sorte de couteau suisse. J'ai envie de dire, ta carrière commence Pestel. Non, j'ai pas compris. Je l'ai pas. Comment se passe-t-elle? Ah oui, elle est bien. Non, c'est bien. Ça ou la sauce pesto. Ah, comment, ah, ouais, comment elle se passe? C'est ce que tu veux dire. Ferme. Comment elle se passe ta carrière? Non, ça va marcher du coup. Non. Julien. Donc oui, Julien, tu es comédien. On t'a vu dans de nombreuses choses, tel Roll Shaker. Oui. Tel Intouchable. T'étais top pendant Intouchable. Et tu joues également avec le Palmachot. Oui. On peut t'y voir assez souvent. Golden Moustache aussi. Enfin voilà, on te voit pendant dans ce temps. Pendant ce temps pendant aussi temps, à l'époque. Ouais. Un petit peu d'internet. Un peu, petit peu de télévision. C'est bien simple. Un cinéma qui va arriver. Ah oui, mais c'est ça. Alors oui, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais tu as énormément de cordes à ton arc. J'ai envie de dire, c'est une harpe. Je te remercie. C'est une harpe, je pense qu'on peut le dire. Oui, c'est de la poésie directement. Tu veux l'accorder? Je t'aime. Je t'aime énormément. C'est sexuel. On est avec. Alors, vous l'avez entendu dès le début, parce qu'il a pris la parole et il a énormément de pizza dans la bouche. Je vais lui demander. J'ai juste une question à Carlito. Ouais. Tu nous as tanné avec ta phrase d'introduction. Est-ce que c'était cette merde avec Pi? C'était ça? Non. D'accord. Non. Non, non, j'attends que Flaubert me lance. D'accord, ok, pardon. Et je vous... C'est lui un truc du genre Carlito. Alors, non, attendez, alors je il y a également Raphaël Carlito autour de la table. Hey, est-ce que Carlito, tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh bien, salut les Narbis. Bah, c'était top, hein. C'était bien, c'était super. Ouais, c'était ça. Je me suis fatigué moi-même avec ce mot. C'est ce mot Narbi en fait. On ne sait pas vraiment d'ailleurs. C'est quoi? C'est quoi Narbi? Alors pour les personnes vieilles qui nous écoutent, Adrien va nous expliquer ce que c'est qu'un Narbi. Alors un Narbi, bah, c'est du Verlan déjà. Oui. Binard. La ville Binard en Bretagne. En Bretagne. Qui s'écrit Dinard avec un D. Ouais, mais qui se prononce Binard. Voilà, exactement. C'est fou comme qu'on apprend vachement. Je sais pas. Alors et c'est vraiment. Vrai, c'est quoi, non, alors je vais vous le dire. Marie-Ange Narbi peut-être. Non, non. Oh, oh, si vous tapez 1997. Gaston Bide. Alors, This is la peste dit souvent les Narbi. Voilà. Dans le rap, c'est mieux wesh, par exemple. Ah. Mais si vous tapez Narbi sur Google, vous tomberez principalement sur des sites de sonorisation automobile. Donc, l'amplification, les haut-parleurs, l'alimentation, tout ça. Donc, Carlito, tu es autour de la table. Et Carlito, tu es également comédien, auteur, réalisateur. Tu as fait de la radio avec ton comparse McFly qui est également autour de la table, que l'on présentera tout à l'heure. Bien sûr. Voilà, tu as fait plein de choses. Déa de Golden Moustache, encore récemment. Père de deux enfants. Père de deux enfants, merveilleux. Oui, les deux. Des magnifiques lionceaux. Voilà. Il y a eu un rôle. Il y a eu un moment émouvant. De tes enfants. Des enfants que j'aime. voilà, dans le Fat Show principalement. Le Fat Show qui, on en reparlera peut-être à la fin de l'émission, mais potentiellement a été réenregistré récemment. Bah ouais. Inch'Allah, Inch'Allah, comme disent mes amis Touareg, Inch'Allah. Nous sommes également autour de la table avec McFly. Attends, j'ai une phrase d'intro aussi. Ah, alors McFly, bon, tu es autour de la table, phrase d'intro. Salut, c'est Squeezie. Alors non, ça c'est celle de Squeezie. C'est sûrement parce que c'est ça, c'est le nom dedans qui m'a. Dit son nom et en fait. Mais voilà, comme j'entendais pas bien, du coup, non, ce qu'il disait. Mais non, c'est à la limite, tu peux faire salut, c'est McFly peut-être. Oui, mais bon, ça. Donc McFly. Ouais. Avec ton comparse Carlito, en fait, je vais dire les mêmes choses, mais auteur, réalisateur, comédien, Tu composes un peu de musique également. Totalement. Voilà. Directeur artistique de Les Moustaches encore récemment. Et voilà. Peut-être vous dites parfois mieux les choses que moi. Hein. C'est pas parce que je suis derrière le micro. Oui. Non, non, je dirais. On est tous derrière un micro finalement. C'est ça. Voilà, bon, la relation avec sur un pied d'égalité. La relation avec mon père se passe plutôt bien. Oui. Une éducation. Qui s'en branle. Non, mais c'est, ah, mais non, c'est vrai oui. que c'est quand mais même une éducation la main, qui c'est était pas à, du la tout fois, radiophonique. À la fois sévère et plein d'amour, qui m'a apporté beaucoup de bonnes choses. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une relation où je peux discuter avec. Je peux pas appeler mon père là pour lui dire allô, papa, je te raconte ma journée. Ça, je peux pas. Est-ce qu'on peut préciser que McFly est ivre? Pas du tout. Alors, il boit depuis 14h. C'est vrai, mais ça veut pas dire que je suis ivre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te prouve que je suis pas ivre? Non, je veux pas que le. Ok, ça roule. Et on est également autour de la table avec Adrien Méniel. Plus connu sous le nom de l'amphore, en référence à la forme de son phallus. Oui, voilà. Non, mais on peut expliquer aux gens. Allez-y. Si vous souhaitez savoir quelle forme a le sexe, parce que finalement, un sexe, c'est pas si. En fait, il faut savoir. Non, mais oui, déjà, non, il mais est vraiment ivre, on a, pas peut-être, du tout. Non, mais peut-être on a des gens qui nous écoutent qui, ne savent, qui se disent oh, un pénis, c'est un pénis. Alors non. Non, un pénis, c'est une énormément forme, de forme. Oui, et il se trouve qu'Adrien Méniel a le logo de Groland à la place de la bite. Exactement. Voilà. Si vous tapez enfort dans Google, vous verrez directement son sexe. C'est même sans pas léance. Sans léance. C'est la mini. Ça peut se rajouter, ça, non? En post-prod. Donc Adrien, que je représente quand même, mais qui est souvent à la radio, qui a été également directeur artistique, énormément directeur artistique de Golden Moustache autour de la table. Effectivement. Moi, j'étais tout seul, ils font le même boulot à deux, quoi. Il a extrêmement raison. Carlito ne rit pas du tout, je précise. Ça ne l'a pas du tout fait rire. J'ai besoin du coup, de me chauffer. Au lieu d'être aigri, minutes de temps de chauffe. Au lieu d'être aigri, on est épanoui du coup. Alors vas-y, continue. Donc, moi, son chagrin dans la colle. Et moi, mon père est vivant. Mais tu préférais qu'il en soit autrement. C'est un point marqué. Adrien, donc tu es comédien, réalisateur, oui. Scénariste. Très bon comédien, s'il vous plaît. Golden non. Moustache, non. Studio Bagel. Très bon auteur aussi. Des directrices de casting qui te contrediraient, Carlito. Mais peut-être on en parlerait tout à l'heure. Oui, peut-être, on peut pas, si pas mettre tout le monde d'accord. Et oui, surtout auteur et un peu, voilà, un peu comédien, mais voilà. Mais réalisateur, bon, voilà, quand même pas. Un détail dont on se fout, mais moi qui me change ma vie, c'est qu'on enregistre plus à Golden mais Moustache, oui. Ouais. Mais directement chez moi. On est chez Flo, les gars. Voilà. Super okay. Appartement. Voilà. Et vraiment, on est très bien. Et on y est bien. Et ça me rend vraiment fou de bonheur. Parce on que est je en, peux on, faire voilà. Tout chez moi. En loi Carrez, on est à combien là? On est à 38. 38 sans unité. 38 hectopascal, exactement. Je ne sais pas ce qu'est une loi Carrez. Non, okay. Ou un, je sais pas. Vraiment, alors, pour ceux qui nous écoutent, une loi Carrez, c'est quand c'est des mètres carrés. Comptabiliser quand il y a au moins 1m60 de plafond. Qui est la taille d'Isabelle ouais. Carrez aussi. Alors, c'est pour ça. Pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Je vous ai invité, comme d'habitude, pour parler d'un thème, mais comme d'habitude, avant de commencer, parce que c'est toujours bien de proposer aux auditeurs des trucs à mater, à lire, à écouter. Petit tour de table pour savoir si vous avez vu, lu ou écouté un truc cool récemment. McFly, est-ce que tu as vu un truc cool j'ai vu, mais c'est pas sorti récemment au cinéma, mais je l'ai vu. Bah, bon, je commence par le truc cool ou le truc chiant? Franchement, commence, les deux nous. Tout bon, bah, j'ai vu le documentaire Demain qui m'a bouleversé. Ah oui, je sais que ça t'a plu. Alors, bah, vas-y, parle-en-nous. Bah, c'est tout simplement Cyril Dion qui est directeur de, qui a été pendant 12 ans directeur de plein d'ONG, notamment l'ONG Colibri avec Pierre Rabhi, qui a fait un documentaire. Tout simplement pour montrer tout ce qu'on Narby. Peut tous les gens, mais c'est pas grave, je me concentre parce que c'est pas grave, je le fais non, à fond. T'inquiète, ne réagis pas, comme ça je peux les couper au montage. Alors, sérieux, le constat du monde qui va mal, au lieu de faire ce constat et de s'arrêter là, ils sont allés voir tous les gens dans le monde qui font des choses pour qu'on aille dans un monde meilleur. C'est écologique, économique, éducation sur tous les thèmes, mais sur tous les niveaux. C'est divin. Ça sort en DVD bientôt parce le 6 juin. Il est pas trop aussi noche. Si, il est encore aussi noche. Ah ouais, ouais? Parce qu'ils ont gagné le César du meilleur documentaire. Ouais. Pète un coup, t'es tout pâle. Voilà, bon, c'est bon. Non, mais c'est une belle. Non, mais là, j'arrive même pas à rire dessus tellement ça m'a bouleversé. Mais oui, je sais, je t'ai vu. Est-ce qu'en voyageant à travers le monde, ils ont fini par retrouver le respect? Ils l'ont cherché partout. Partout ils l'ont cherché. Parce qu'en plus McFly, c'est vrai que c'est toi qui as un peu pris en main une idée, ce que voulait faire Golden Moustache pour parler de l'écologie. Et tu as pris le projet à bras le corps. Tu l'as écrit avec Lucien Maine et Valentin Vincent, ouais, Valentin et Clémence aussi. Bodoc, je crois aussi. C'est ça, exact. Donc du coup voilà, vous avez fait ça, donc on sait que c'est un, enfin les gens le savent peut-être pas, mais c'est vrai que c'est un truc qui te touche quoi, donc je trouve oui, ça cool d'en parler oui, entre deux blagues. Gros carton, bien. Gros carton sur le web. Ah bah ouais, ça a carton. Bah, plus de 500 vues. Ouais, mais, bah, on est à 512. Hein, on est sur un buzz à ce moment-là. Bah, clairement. Je crois que Melty Buzz a fait un article. Je suis sûr. Au bout de 15 ans. À partir du moment où Melty Buzz a fait un article, normalement, c'est un buzz intersidéral. Ils font des articles sur tout. Après, on rappelle qu'ils ont fait un article sur un tweet de Carlito. Un tweet de moi aussi. Toi, ils ont dit que t'aimais le dernier Booba. Il a fait une capture d'écran sur Spotify et ils ont dit alors, Carlito, il adore Booba. Non, mais alors attention, les gens adorent Booba, mais Carlito, particulièrement, il adore Booba. Un article. C'est vrai. Alors, je crois que c'était Carlito de Golden Moustache et du Fat Show qui connaît de loin Squeezie, bien Norman, Cyprien et en règle générale YouTube. En règle générale. Il connaît très très bien cette interface. Tout est vrai, nous mettrons le lien dans la description. Ah ouais, ouais, vraiment tout est vrai. D'accord, et sinon tu as vu The Voices de Marjane Satrapi ou rien à voir? C'est ça, totalement. Avec Ryan Reynolds. Exactement, ah, j'ai vu ça hier. Bon, donc il est sorti il y a longtemps au cinéma, je l'ai vu hier soir sur Canal parce que j'ai l'abonnement. Bah oui. Et il est charmé. Ah, c'est toi qui as l'abonnement c'est Canal. C'est le seul, ouais, ouais. C'est regarde, regarde le tour du bagel, du coup, ça nous permettrait de travailler, Adrien et moi. Ah, c'est ça le truc, ouais. Non, j'ai pas cliqué pour l'instant. Ah, c'est le truc bien écrit et mal joué. Ah, c'est super. Comment parler de Ryan Reynolds sans parler de Deadpool? Ah oui, c'est finissons clair. Sur The Voices. D'accord. Oui, très bon film. Ah ouais, mais trop bien, quoi. Ah, si, une vraie comédie si glauque, vraiment glauque, ouais, et glauque. Très marrant à la fois. Ouais. Donc, ouais, j'ai vraiment kiffé, c'est excellent. Tu l'as vu aussi, Julien? Ouais, moi je l'ai vu aussi, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi. Mais Ryan Reynolds, c'est dans un registre très particulier, enfin, il joue super bien. Ouais, non, mais c'est fou. Il a pas du tout une gueule pourtant de mec qui pourrait jouer dans un truc comme ça dans un je trouve que c'est vraiment pas du tout sa gueule. Il pourrait faire des trucs soit marrants soit d'action, je trouve, Deadpool. Mais dans un truc un peu glauque, c'est très bizarre. Et comme c'est le personnage principal sans spoiler la fin, c'est vrai, mais qu'on s'identifie à lui et au fur et à mesure du film, il fait des trucs de plus en plus chelous et tu es mal à l'aise. Il veut pas, j'en sais rien, je l'ai pas vu. Non, mais en plus, ce qui est très drôle sur ce film, c'est qu'il est écrit, je crois. Je sais pas s'il est écrit, mais en tout cas, il est réalisé par Marjane Satrapi, qui a fait Persepolis, qui n'a rien à voir. Enfin, si vous avez vu Persepolis, c'est très très très loin de The Voices. Et c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça, un dessin. Donc, déjà, c'est très différent. Et je crois, et oui, c'est vraiment Ryan Reynolds, soit c'est Deadpool que tu as kiffé, Carlito. Écoutez. Ah, mais oui. Parce que la situation. En Centrafrique, oui, pardon. Deadpool, tout le monde l'a vu. On est non, j'ai pas vu. J'ai pas vu Star Wars, moi. Donc, le dernier Star Wars, je l'ai pas vu. Pas vu Jurassic Park, de toute manière. Donc, donc ouais, t'as vu Deadpool, Raphaël? Il faut que tu ailles le voir, Raphaël. Oh, tu m'as appelé Raphaël, ça m'a ému. Bah, Florent Bernard. J'ai envie de le voir, Deadpool, mais je sais pas. Tu as bien raison. Déjà, un film avec une bonne scène d'intro, c'est un bon film. J'ai inventé cette règle. J'ai inventé cette règle, mais là. Oui! DMX! Oui! It's gonna give it to you, mon pote! Voilà. Trop bien! Par DMX, tu entends DMX. Et c'est toujours plaisant. Ce film est incroyable, Ryan Reynolds c'est incroyable, les effets spéciaux incroyables. Mon adjectif c'est quoi? C'est incroyable. Les musiques géniales, tout est fou. Si t'étais un critique chez Canal, il y aurait que le mot incroyable en très gros, qui apparaît en rouge, tout le temps. En caps lock. Et en plus, il a coûté pas cher par rapport, d'après ce que j'ai suivi, aux autres Marvel. Non, mais dis-toi que la scène d'intro donc, que tu parles avec les cascades dont tu parles, pardon, c'est quasiment que des effets spéciaux. Bah oui, c'est ça. De la 3D, mais de la 3D. C'est de la 3D vraiment propre parce que vraiment, quand j'ai vu le. C'est fou ce qu'ils font aujourd'hui, c'est vrai. Bah déjà, ils avaient déjà pour les. C'est vrai, c'est une phrase un peu d'un homme vieux, mais c'est une vraie phrase. Avec deux ordos. Non, mais déjà pour les trois frères, ils avaient déjà fait des trucs super en 3D pour les trois frères. Adrien, est-ce que t'as vu un truc cool récemment, vu, lu, écouté, mangé? Oui, moi j'ai vu Five. Et c'est vraiment. C'est très marrant. Ouais, ça fait vraiment plaisir de voir une comédie comme ça en France. Je sais que c'est un peu. J'ai l'impression que tout le monde dit ça, mais je trouve que c'est vrai. Non, c'est cool. C'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire. Sans trop en dire, bien sûr. tout le monde me regarde, je suis hyper impressionné. Non, en gros. Bah, tiens, on va regarder le mur quand tu parles, sale con. Alors, c'est un groupe de 5 amis. Parce que 5 veut dire 5 en anglais. C'est là où ils sont malins. Oui, c'est bien vu. Et en gros, ils sont amis depuis l'enfance, etc. Et il y a un des personnages qui s'appelle Samuel, qui est interprété par Pierre Ninet, qui est en gros un gosse de riche. Et il fait croire à son père qu'il fait des études de médecine. Et tant qu'il fait ses études de médecine, prétendument, son père lui donne beaucoup d'argent pour vivre. Bien. Et du coup, à un moment, il dit « Hey les gars, vous vous rappelez, on voulait tous faire une coloc ensemble. J'ai trouvé un appart chambé. » Et les autres disent « Bah ouais, mais nous, on peut mettre que 500 euros de loyer. » Il dit « Eh bah ok, vous mettez ça et moi, je mets le reste. » Et il signe le bail, sauf que en fait, son père se rend compte qu'il ne fait pas vraiment ses études de médecine et il coupe les ponts. Il lui dit « Je te donne plus de thunes, je veux plus jamais te voir, machin. » Donc en gros, il se retrouve dans la merde et il doit trouver un moyen de gagner des c'est sous. C'est le début des péripéties. Et alors là, c'est des péripéties en pagaille. D'accord. Oui. Mais j'ai vu le teaser, moi, avec Pierre Ninet. Il a l'air d'avoir un rythme en termes de jeu et de comédie qui fait mal au cœur tellement c'est ouf. Bah en fait, c'est ça qui est moi que j'aime vraiment beaucoup, c'est que c'est Bon, c'est extrêmement bien joué, tout le monde joue vraiment très bien. Et c'est pas tant un humour sur le gag qu'un humour qui est vraiment porté par le jeu des comédiens et des comédiennes. Et c'est des situations qui sont vraiment rendues drôles du par le jeu. Comique de situation, quelque part. Exactement. Ouais. Mais voilà, mais une version moderne de ça. C'est un film d'aujourd'hui. Voilà, j'ai tout à fait. J'ai décidé de faire que des expressions des vieux ce soir, je vous préviens. Non, mais c'est de l'humour qu'on peut voir dans des films comme 21 Jump Street et tout ça, quoi, qui D'accord. nous font vraiment rire. Enfin, pas, c'est pas un action comedy, mais non, dans mais le côté, oui. c'est bien joué. Et en fait, sur le papier, tu dis, bah, oui, c'est une vanne basique. Très bien, et ouais. Sauf que c'est très bien joué et le rythme fait tout. Et ça, c'est un humour que, voilà, qu'on voit pas tellement. Si et c'était pas les mêmes comédiens, ce serait pas forcément exactement. Aussi drôle, quoi. Ouais. C'est comme les trois frères, hein, finalement. C'est la, pareil, même, chose, c'est la même chose. Mais en plus, on peut dire que c'est par, je crois, hein, plus ou moins la même équipe que Casting, qui était déjà une très bonne shortcom. Alors, ouais, c'est écrit et réalisé par Igor Gottsman, qui bossait sur Casting. Qui faisait le caster, hein, qui joue. Ah, il écrivait pas dessus Je sais pas, je veux pas dire. Ouais, bon, peut-être que. Peut-être que si, qu'on se trompe. Oh, il y a Google pour vérifier, attendez. Oui, mais c'est long. Non, ça me fait chier aussi. Et oui, donc il y a Pierre Niney ouais. et François Civil. Ah, François Civil, merci. Schoenberg, bien sûr. Voilà, donc trois des principaux ouais. comédiens et, de casting. Que moi, j'étais déjà très fan de casting. Ouais. Et là, bah, on retrouve un peu le rythme et l'humour. Ouais, bah, donc ouais, je vous invite. McFly a une idée de sujet intéressant. Les moments de solitude. Les moments de gêne. Les trucs honteux. Les trucs qu'on vit sûrement la plupart du temps très très mal sur le moment. Oui, oui, oui. Mais qui en fait sont souvent les anecdotes les plus drôles oui. de la vie avec le temps. Et plus elles sont le sales. Le désespoir fait rire, j'adore. C'est ouais. vraiment ça. Et le désespoir fait grandir. Ouais. Est-ce que le désespoir fait d'autres choses, peut-être autour le de la table? Le désespoir fait la cuisine. Oui, fait très bien. Le désespoir fait très bien les œufs en meurette. Le désespoir prend le transilien. Ouais, voilà. Lui. Mais c'est pas le sujet là. Le sujet, non, non, c'est le moments sujet, c'est les moments de solitude. Eh bien, Carlito. Oh la vache. Ah bah déjà, dès le début. Est-ce que tu as déjà vécu un petit moment de solitude dans ta vie? Oh, je pense qu'il y en a une bonne dizaine. Ça sera beaucoup sexuel. Hein. J'ai pas potassé, mais j'en ai une et elle est sexuelle. Ah, ah, ça, est-ce qu'on peut tous faire un A du coup? La question go. Oui. Oui, la question in. Les zizipotes, alors les zizipotes, ils sont où les zizipotes? J'ai renversé du vin sur mon nez. Ok, alors, Carlito. Jean-Luc. Ah, si tu nous écoutes. Carlito, dis-nous, raconte-nous ton anecdote, pardon. Un moment de solitude sexuelle qui part au départ d'une bonne intention, puisque j'avais l'ambition de baiser toute la planète parisienne il y a quelques années. Tu sais que c'est l'objectif de bon nombre de garçons. Bon nombre d'abrutis, oui. Ouais. Très bien. Parce que là, j'ai 29 Pourquoi ans. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 6 ans. Il y a 5 ans. Voilà. ans. McFly est tout courant, ce qui est drôle. Ah, il l'a vraiment regardé. J'avais que parce qu'à l'époque, McFly. Oh, on est potes, on est à peine potes, ouais. En même temps, oui, c'est un moment de solitude, mais j'étais pas seul puisqu'elle est sexuelle. Non, non, mais c'est un moment ouais. de solitude, mais c'est des moments de gêne, quoi. D'accord, c'est de la gêne. Oui. Oui, ça se tient. En fait, on se sent souvent très seul. Encore plus seul quand il y a du monde autour qui nous juge, en fait. C'est, surtout, c'est beau. Ça vient de là, les moments de solitude. C'est extrêmement j'en ai vrai. Plein qui me reviennent. Mais, mais ça va être trop bien. On va commencer là-dessus. Donc, je m'étais mis en tête de faire une espèce d'expertise sexuelle de toute la planète, de toutes les femmes, hein, parce que je suis hétérosexuel. Très bien. Et j'avais déjà bien entamé. J'étais très épanoui. J'adorais cette aventure sexuelle. Et il se trouvait que parmi les fans, à l'époque, nous étions sur Goom Radio, une radio ouais. sur Internet. Ah oui, je connaissais. Et, oui, ah, c'était, ouais, ça non, bien, c'était super, on était c'était en direct. C'était l'époque MySpace et tout. Voilà, on a, ouais. L'époque Faflarage, on peut le dire. Ah, c'est vrai, c'était une époque où Faflarage passait en radio. Mais moi, je crois pas, non, je crois si, pas. Si, je crois, ça m'étonnerait que ce soit et ça. Et nous étions à la radio avec McFly, à 24 ans, tous les soirs en direct, c'était assez fou dans notre cerveau. Et Vlatipak sur Facebook. Oh non! Une petite femme dont je tairai le nom. Et donc je vais chez cette femme qui habitait au dernier étage sans ascenseur. C'est vraiment pas intéressant, dans une chambre de bonne. Tout mais ça reste chiant, voilà. Ça ajoute de la chance. Ouais, puis c'était fatigué quand t'arrives là-haut. Ouais. Et je me dis, allez, ouais, ça va être drôle à raconter aux copains, parce qu'il y a que ça qui compte à l'époque. Ah oui. Pour, entre 20 et 30 ans, moi, c'est. Est-ce que ça, je vais le raconter? C'est cool, fais-le. Et vraiment, je bois du whisky, je suis ivre, et il est temps de faire l'amour. Et j'ai joui en levrette en elle. Donc j'ai pu bander, ce qui est assez étonnant. Ah oui, c'est cool. Moi, j'ai toujours halluciné. Félicitations. Ouais. Et ensuite, après cet acte qui était vraiment nul, elle a appelé sa meilleure amie pour la débriefer en allemand. Et elle a débriefé en allemand et j'étais au bord du lit. Là, j'étais seul, les gars. Ah bah ouais. J'étais seul et je voyais ce débrief. Et ensuite, elle a ouvert un PC et elle m'a montré un tableau Excel. Et elle m'a dit, tu vois là, je te mets dans le classement, je te place bien. Et voilà tous ceux que j'ai baisés. Attends, voilà. Donc en fait, t'as couché avec une meuf qui te plaisait pas du tout. Absolument. Et qui a appelé sa meilleure pote en allemand, qui est un détail, mais qui est marrant. C'est ça. Pour ensuite, elle t'a montré un tableau Excel de tous les mecs. Et il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'animateurs radio. Ah beaucoup ouais, de gens de groupes de musique, beaucoup de gens de WFM à l'époque. Ah putain. Et je me suis dit, c'est pour ça que ça a 4% d'intérêt cette anecdote. Bah non, mais elle est bien. Pas le seul connard à avoir tenté des choses comme ça. Je voyais des gens, je vais pas citer les t'as noms. Des noms, allez. Du groupe Vegastar à l'époque, par exemple. Ah bah oui. Et tu sais que le groupe Vegastar. Centième étage. Déjà, ils habitaient au centième étage, c'était beaucoup super trop haut. Mais même la Burj Khalifa, elle fait pas son étage. Bah non, pas du tout. Pas du tout. Je ne connais même pas ce groupe. Ça date un peu. C'était à l'époque. Je suis beaucoup plus vieux que vous. C'était l'époque Playmo, Enhancer, tout ça. D'accord. La Team Nowhere. Je connais ces deux-là, mais Vegastar. Big up à la Team Nowhere. J'ai d'autres moments de solitude plus marrants. Je connais Venga Boys. Est-ce que c'est Venga Boys? Non. Est-ce que c'est Venga Boys? Ce n'est pas le même groupe. On s'en fout de dire que c'est le groupe Vegastar. Non, mais voilà, pour vous dire. Et au moment de ce débrief sur le tableau en allemand plus tableau Excel, je me suis dit, tu vois, ce moment. Et peu cool, mais marrant. Ils ont le sens de l'ordre, ces Allemands. C'est vrai que McFly, et toi, tu as une anecdote un peu marrante à raconter de moments de solitude? J'ai peur, malheureusement, j'ai peur de l'avoir raconté déjà. Je me demande, c'est pas dans un floodcast. Mais je la raconte quand même. Dis-nous. Est-ce que ça concernait une nana qui t'a rejeté qui a couché avec un autre gars? Non, pas du tout. D'accord. Non, c'est pas ça. Non, ça c'était à l'époque où justement, on travaillait avec Carlito. On avait un sous-sol chez mes parents. On travaillait. On travaillait aussi avec un autre bonhomme qui s'appelle Martin, qui était un gesson et qui est un homme fabuleux. Et donc en fait, ils avaient les clés. Donc ils rentraient quand ils voulaient. Mais il se trouve qu'à la base, c'était le sous-sol chez mes parents ou c'était ma chambre. Déjà, ce détail de ils avaient les clés, je sens va être capital. ça va très vite. Donc ils ont les clés. Hein, donc ils rentrent quand ils veulent. Il se trouve que c'est ma chambre aussi. Donc c'est là où je vis. Ouais. Et donc il me vient cette envie qui est assez régulière, quotidienne de tous les hommes, de se branler quoi. Jusque là irréprochable. J'allume mon ordinateur, je vais sur l'interweb aisément. Qu'est-ce que tu as tapé? J'ai tapé, je crois que c'était UG's à l'époque que je pratiquais énormément. Big up à UG's hein, qui a disparu un peu, j'ai l'impression. Qui a un peu perdu, perte de vitesse. Perte de vitesse. À l'époque, ils étaient très bons parce qu'ils avaient des thumbnails, des vignettes vachement grosses. Oui. Et c'était. Ah oui. Bah oui, on se comprend tous. Oui. Moi, ça m'a vachement séduit. Et moi, si tu laissais la souris dessus, le curseur, ça faisait défiler. Embrasse-moi, putain. On part ensemble. Je vous conseille PornMD, qui est une sorte de Google qui reprend plein de sites porno dans un seul site porno, ce qui fait qu'en fait, quand vous cherchez quelque chose, c'est multiplié par 25. Ouais, mais alors attends, je veux savoir ça, c'est important. Mais le problème de PornMD, c'est ça? Plein d'images. Bah, quand tu cliques sur quand tu passes la souris sur l'image, ça s'anime pas du tout. Ça ne s'anime pas. Et c'est pas très vendeur. Oui, mais j'aime bien parce que du coup, il y a un petit peu plus de surprise. Tu es d'accord. Bref, excuse-moi, j'ai interrompu ton anecdote. C'était quoi le site que tu disais, BulkTube. BulkTube. BulkTube. Okay, qui est un peu la même chose. Ça regroupe. C'est un agrégateur de sites porno. Tu fais une recherche et. Et je vous conseille également la chaîne YouTube de Thibaut InShape. Voilà. Tu peux te branler aisément. Vous le sentez venir. Mais tout simplement, je commence à me branler. Et ce Martin, cet homme-là, c'est vraiment comme Carlito, c'est un ami d'enfance, quoi. Yes. C'est vraiment, c'est puissant, quoi. C'est l'ami. Et je commence à me branler. Et Attends, au milieu d'une pièce En fait, je suis dans ma chambre devant mon ordi, donc d'accord, c'est au milieu de la pièce. Non, mais j'avais oublié. Voilà, je suis au milieu de la pièce et je me branle, et c'est cool. Et on arrive au moment qui est plutôt cool, c'est le moment de l'éjaculation. C'est pas loin, quoi. On est dans les alentours. Ah oui, c'est les 3 secondes de. Et là, j'entends vraiment les clés donc, qui rentrent. Oh non. Et ça fait vraiment. Mais vraiment, c'est la vérité, quoi. Et donc, c'est ça la limite, c'est classique. Donc, les clés qui rentrent, qui s'ouvrent. Et donc là, le seul réflexe que j'ai. De dire ce mec que j'aime, avec qui j'ai de l'intimité, je peux que lui dire « Je me branle ! Je me branle !» Et donc, c'était le moment le plus violent de ma vie. Mais parce il n'est pas rentré. Il m'a dit « Ah, ok !» Et en fait, il a pas du tout une réaction marrante. Il a une réaction super froide, genre « Ah, ok, bah désolé. » Et du coup, j'attends. Du coup, c'est horrible parce que il attend à la porte le temps que je ferme mon pantalon. T'as et joué je ou remonte. Pas Bah non, j'ai pas joué. J'aurais tellement joué. Non, mais voilà, au bout d'un moment, oui, termine quoi. C'est vrai. Et du coup, et après, il ouvre la porte et on se retrouve en face. Et ça se voit dans les yeux qu'on n'en va pas faire de blague là-dessus. Et qu'on va juste essayer d'esquiver ça. Ah, waouh. Et que ça va mettre un. Vous n'avez pas débriefé là-dessus. Si, ils se sont serré la main, bon copain. Et mec, et le je me branle, dit à haute voix, d'une sincérité dans la voix, ça tremblait un peu. C'était. Bon, aujourd'hui, même quand j'en parle, je suis un peu secoué par ça. Pardon. Donc oui, non, mais tu t'es branlé dans des endroits chelous, toi? Ouais, moi, tout de suite encore. Bah vas-y. Des caves. Dès que j'entre dans une cave, ça m'excite. Mais c'est top, hein, c'est Est-ce que c'est tu t'es branlé à la cave de Golden Moustache? Et il y a autre chose, non, mais par okay. contre, j'en ai une belle chez Golden. oui, non, c'est que, ce qui est important pour moi, c'est aussi de faire disparaître toute trace, évidemment. Pourquoi de, du sperme. Pourquoi? Bah parce que les gens ensuite vont marcher dessus. D'accord. Et dans les caves, c'est hyper pratique puisqu'il y a la dose de petite poussière de caillasse, vous savez, dans chaque. Bien sûr. Et il suffit de. Hop, c'est comme du sable. C'est ça. Hop, et ça saupoudre le sperme. Et j'adore me masturber dans des caves. Il y a une expression qui s'appelle se branler comme un mineur parce qu'à l'époque, les mineurs se branlaient énormément dans les caves. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a fini sur la branlette. Si, j'en ai une incroyable. Vas-y, je t'en prie, Adrien. Une forêt. Oh, pas mal. Ah ouais, bien. Je me baladais en forêt, j'ai eu voilà. Il est poétique. Simplement, hein. Autour non, de c'est les caves, il y avait des cèpes, ça t'a chauffé quoi. ouais, non, voilà. Et bah, Golden Moustache aussi hein. Oui, ah, oui, alors, oui, je précise pas pas jusqu'au bout. Ah. Alors, y a, parce qu'il y a un petit détail technique, c'est que j'avais. Est-ce que c'était un urinoir et qu'il y avait un mec à côté. Non, c'était c'était l'an dernier. J'avais passé la journée à bosser le montage de Nego. Mon sketch Nego avec Clément Marozé. Pensez-y si jamais vous matez Nego. Allez, allez. très bonne vidéo. Et donc j'avais vraiment bossé toute la journée, vraiment très fatigant. Mais c'était et... quand t'étais à côté de moi là. Non. Mais on avait dîné ensemble ce soir-là. On avait dîné ensemble. Wow. Tu étais parti parce d'accord. que moi et donc t'étais parti vers 22h30. Et moi après je devais encore écrire deux textes. Exact. Et donc il était très tard et j'étais très fatigué. Et une technique que j'emploie parfois, voilà, quand je peux, quoi, c'est de, voilà, de me branler pour me maintenir éveillé. Évidemment, il ne faut surtout pas aller jusqu'au bout parce que sinon, ça a l'effet inverse. Mais donc, du coup, je, voilà, parfois, je ne sais plus quel texte. Si, c'était les deux derniers épisodes de Oui que je devais écrire. Donc, si vous regardez cette c'est série, voilà. C'est important de dire les épisodes pour tous les gens qui les deux derniers épisodes, voilà, vous saurez qu'ils ont été écrits. Si vous écoutez, si vous écoutez ce podcast, laissez en commentaire sous les vidéos. On sait ce que t'as fait pendant le montage, on sait ce que t'as fait pendant l'écriture. Voilà, vous saurez que je les ai écrits le pénis en main. Est-ce que, Flaubert, est-ce que j'ai le temps de corroborer au propos de Méniel? Bien sûr, mais moi j'ai une anecdote de branlette avec toi en plus. Ok, aussi, oui, d'accord, ouais. Mais non, mais pour dire, parce qu'il y a un aspect très juste dans le fait que la branlette te laisse, te réveille, enfin te stimule, et te permet en fait de pas succomber au sommeil finalement. Oui. Moi j'étais loin, très loin, en Bourgogne, c'était le... Ah oui, tu adores la Bourgogne, tu viens de là-bas, c'est magnifique comme région. Et c'était un baptême d'un enfant. J'étais là, je ne sais plus. C'était mon petit frère. L'intro et est horrible. Et je devais rejoindre McFly, parce qu'on partage vraiment une carrière, au Fury Fest à l'époque. Ouais. Avant, juste avant le Hellfest. C'est ce qui est devenu le Hellfest, donc énorme festival de métal, référence. Un vrai bonheur hein, pour nous, surtout à l'époque. Grand fan de métal. Et je devais y être quelques heures après, finalement. C'était la nuit incroyable. En Bourgogne, et le matin, je devais être avec McFly au Fury Fest, faire des interviews assurées. Et donc, j'ai conduit un Toyota RAV4 que m'avait donné mon père, puisqu'il me payait non pas en amour, mais en argent. Et il me donnait beaucoup de sous, il m'a donné une voiture. Tu coupes ce passage. Non. Et j'étais en Bourgogne et je devais aller vers, tu sais, là-bas. Là. Mais c'était à Nantes, à côté de Nantes. Voilà, Loire Atlantique. Loire Atlantique. Et ça fait beaucoup de routes, hein, si vous voyez. Bah ouais, c'est très long. Ça fait beaucoup d'heures. Et donc, tu commences et on a toutes les techniques. Tu écoutes beaucoup de musique, beaucoup de CD, tu discutes, tu passes des coups de fil en main libre. Et j'avais plus de solution au bout d'un moment, et je devais y être, il fallait pas que je dorme et que je m'arrête. Et je me suis mis à me masturber, sans aucune vulgarité finalement, plutôt comme un soutien psychologique. En conduisant ? Oui, Oui. Oh, quel horreur ! Et Oh, Julien. Il y en a des belles, j'en ai plein. La dangerosité de l'action. Réinvite-moi à d'autres flous de cast. Et ça a bien marché, hein. Je me suis masturbé longtemps, sans jouir. C'est vrai que c'est très important. Ça peut t'assommer. Il se passe autre chose quand tu jouis. Oui. Et je me suis branlé longtemps, je dirais une demi-heure, trois quarts d'heure, jusqu'à finalement arriver à destination. Mais je me souviens quand il est arrivé, je me souviens très bien, il est arrivé le froc complètement ouvert et tout. Je dis, mais mec, qu'est-ce que tu foutais? Il me dit, mec, je me suis branlé. Mais ça fait deux heures, je me branle. Pour le coup, il n'y a rien de salace. Ça m'a vraiment, c'est vraiment une technique. Pour tous les jeunes qui veulent tenter la coke pour travailler, branlez-vous. Non, branlez-vous sans jouir. Très juste. C'est technique d'ailleurs que je me souviens, j'ai utilisé aussi pour mes épisodes de France-Québec. Donc si vous regardez France-Québec. A priori, toutes les vidéos d'Adrien Méniel, donc c'est pas compliqué. Non, vraiment, c'était les trucs que je dois écrire en pleine nuit, j'ai pas le choix, faut le rendre le lendemain. Bah, voilà. Et pour finir ce petit chapitre, à part si Julien, t'as une petite anecdote de branlette. J'ai peut-être une petite anecdote, mais très chelou en fait. Ah bah non, c'était l'époque où j'étais en train de se branler. Et je faisais un stage pour un festival de musique sacrée. D'accord. Dans un sanctuaire dans le sud-ouest, j'espère qu'ils vont pas écouter, mais bon, c'est des curieux, c'est pas grave. et j'étais tout seul dans le bureau, il était très tard, j'étais tout seul dans le bureau, et bon voilà, je naviguais sur des sites à caractère érotique. Et je commence à faire ma petite affaire, et j'entends la grille du couloir, parce que là-bas c'est des grilles. C'est les murs en pierre, c'est les grilles. J'entends la grille du couloir qui s'ouvre. J'essaie en panique vite de me refroquer, donc je me refroque. de fermer la fenêtre de Internet, mais là, ça plante et ça freeze. Oh, putain de merde. Et du coup, mais tout était très synchronisé. Tu peux pas le fermer. Non, à l'époque, c'était vraiment la tour, l'écran, tout ça. Donc, j'ai panique totale, je pense même pas à l'éteindre. Donc ça freeze et à ce moment-là, je vois la poignée de la porte qui commence à s'ouvrir. Non, non, je tenais la porte et le mur était en fait une baie vitrée. Et là, j'ai un curé qui penche, qui se retrouve face à moi. Il fait, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que je suis occupé là, pour les trucs. Et bref, je pense qu'il a très bien compris ce qui se passait. Il est reparti sans rien demander. Et en me retournant, j'ai vu que derrière moi, en fait, il y avait un grand miroir. Oh putain! Et que du coup, il avait très certainement vu le reflet de tout ce qui se passait dans l'ordinateur. Oh là! Voilà. Quel bonheur! Donc tu iras en enfer. Et je ne vais plus jamais à la messe depuis ce jour-là. Voilà. Tu es banni de toutes les églises de France depuis ce jour, en fait. Et pour célébrer l'amitié et peut-être clore ce petit chapitre de la masturbation, qui était sympa. J'aurais bien raconté la fois où je suis branlé avec ma grand-mère dans mon lit, j'ai oublié. Non, mais bon, d'accord. Bah, quoi? C'est la pure vérité. Je m'attendais pas à ce que ce soit vrai. C'est la pure vérité. Non, toi d'abord. Je vais y aller là. Moi je trouve que ce flou de gaz commence à prendre un vrai charisme. J'avais 12 ans, en fait quand j'ai commencé à me branler, je me suis branlé vraiment. Je l'ai pas fait à moitié. Je me branle, mais quand je commence à me branler, attention, je me sais que je commence tôt et genre vraiment à 10 12 ans, c'était vraiment la folie, je me branlais. 10 ans, c'est très tôt. Tu fais pipi quand tu joues à des... Non, tu joues, mais il n'y a pas de sperme. Moi, j'ai commencé à 5. Donc, Ouais, non, mais pareil. Hein. Excusez-moi, il y a une phrase de Julien Pestel qui ne peut pas passer inaperçu. Non, j'ai pas entendu. Ta gueule, personne n'a relevé. Qu'est-ce qu'il a dit, GG? Il a dit, moi, je faisais pipi. Oh non! Oh, mais merde! Oh, l'aveu! L'aveu! Tu viens de la campagne, je t'emmerde! Je savais pas comment. C'est ça, c'est génial. Quand ce mec-là devient un grand acteur, tu lui ressors ça. Ça, c'est sa casserole. Tu vois, c'est pas un truc gentillet. C'est alors quand vous branliez à 10 ans, vous pensiez pisser dans les enfants de la télé. Ouais, donc c'est tout. Je me branle fort et je dors avec ma grand-mère. J'étais dans le sud un soir et je me dis vraiment, je vais me branler. Tiens. Et je me branle, mon gars. Est-ce que t'avais la connaissance du fait que c'était que ça se fait pas? Ah oui, d'accord. Bah, 12 ans, du coup c'est dégueulasse. Du coup de base. Non mais je comprends. T'étais dans l'euphorie. Ouais. C'est la période où ça te rend fou. Ça rend fou. Ouais. Ça se branlait. Tu dis ça a passé. Ouais, mais t'as quand même 2-3 trucs qui te freinent, genre la présence d'une personne âgée dans le même lit que toi. Voilà. Normalement, hein. Enfin, de la même famille que ta. En l'occurrence. Qui a donné naissance à ta mère en l'occurrence. La base de la décence humaine. Tous ces trucs là qui normalement. Non, là j'avais envie de me branler. Alors et donc je me branle et donc je pensais qu'elle dormait en fait. Ah. Et donc ce moment est arrivé quand elle a fait « Dis donc, tu te secoues un petit peu le zigouigoui là ?» Oh non ! En plus, elle est trop honnête. Non. D'une gentillesse hors norme. Zigouigoui. Oh, elle a dit ça vraiment ces mots-là ? Ah ouais, vraiment. Peut-être la zigounette. Moi, je peux plus jamais me masturber. Enfin, elle a pas dit ta bonne queue de queue. Bien gorgée de sang. Ta grosse queue de bourrin. Et donc, voilà. Et donc, j'ai arrêté. Bon, évidemment, j'ai arrêté. J'ai dit « Attends, je lui ai pas dit « Attends, je finis » quoi. » Ouais. Ce qui est logique en fait. Mais j'ai redormi avec ma grand-mère vachement après, ça s'est bien passé. Ouais. D'ailleurs, dormir avec sa grand-mère à 10 ans. Oui. excuse-moi, il faudra avoir une grand-mère pour pouvoir comprendre ça. Boum. Qui a une grand-mère autour de la table? Allez, moi. Deux. Elles sont décédées également. Le Nick et Vora, ça n'a pas lieu d'être. Donc, moi j'en ai deux, et donc, dormir avec sa grand-mère à 10 ans. Non, c'est. Non, quand quand t'es jeune, quand t'as 10-12 ans, ça va. Mes moments de solitude, c'est pas forcément que du cul. Non, c'est pas que bien sûr. Moi j'ai une anecdote de solitude, bon, qui est pas beaucoup plus fine et classe. Mais qui a été un des plus... Voilà, Adrien la connaît. Qui a été vraiment l'un des pires moments de ma vie. On est en terminale, voilà, l'année du bac, tout simplement. J'ai plutôt des bonnes notes. Je le sens plutôt bien. Ça veut dire bien. Tu es en L. Je suis en L. Mon père est un instablant. Je suis obligé d'être en L. Je suis pas bien. Petite gastro-entérite, mes débuts, tu vois. Je vais à l'infirmerie, je suis pas bien et tout, je suis pas bien. Ouais, d'accord, tiens, voilà des médocs, mais j'avais pas le droit de me casser du lycée parce que ça va, je venais d'être malade en fait. Enfin, ça faisait pas 3 jours que je me traînais un truc et tout. J'y vais, je me sens pas bien, je me sens vraiment pas bien. Je fais les 2 heures de philo, je suis pas bien. Et j'arrive en histoire, et je dis oh putain, je vais gerber. Et j'ouvre la fenêtre, je suis au 3e du lycée Bonaparte d'Autun que je salue. J'avais cours avec monsieur Bâtard, non marrant, et j'ai vomi par la fenêtre sur des chantiers. Sur un chantier, il y avait un chantier. J'ai vomi sur un chantier. Ça fait du mortier, c'est bien. Non, c'est ça. Et je me sentais pas bien du tout de ça. Mais le bonus un peu de tout ça, c'est déjà génial. Oui, mais en vomissant, je me suis chié dessus. la touch finale. T'as gardé le truc sur le CD. C'est-à-dire qu'en fait, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Parce que quand t'es très malade, t'as la gastro, quand tu chies, tu le vois pas de base tout de suite, tu vois. Moi, j'étais concentré sur le vomi. J'étais concentré sur le vomi qui, voilà. Et du coup, je me suis chié dessus. Et il y a vraiment eu, en termes d'image, une flaque de chiasse qui s'est barrée de mon jean. Oh, merde. C'est une histoire entièrement vraie. Très bon. Et c'était vers mai, donc c'est presque le bac. Et il fait déjà chaud. En fait. Il fait vraiment. Ça sèche très vite. Non, allez, je dis au prof, je suis un peu les larmes aux yeux parce que c'est vraiment honteux. Tu vois, t'es pas bien et tu viens de vomir. Mais les autres élèves étaient. En fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais pas bien. En fait, on allait rentrer en cours, les élèves rentraient. Moi, j'ai dit, je suis pas bien, je crois que je vais vomir. Donc, en fait, ils étaient tous dans la classe, donc personne m'a vu. Ça, c'est le côté mec, ça dingue. T'a sauvé là, hein, parce que ça, c'est... Très vite, je l'ai raconté à mes potes et d'accord, ça s'est su très vite. C'est devenu une fierté très vite. Personne n'a vu la flaque de chiasse, à part monsieur Bâtard, que je salue, qui, voilà, il m'a dit qu'est-ce qui se passe et tout. Je fais, bah, je suis pas bien et tout. Il fait, bah non, mais il faut venir en cours, monsieur Bernard et tout. Je fais, non, mais vous voyez pas, bordel, je suis chié dessus, quoi. Il a vu la flaque et il a fait, ah oui, effectivement, il faut rentrer très vite. Faut vous rentriez chez vous. Le problème, c'est que vous rentriez chez vous, moi j'avais personne pour venir me chercher. J'étais à pied et j'avais de la merde plein le froc en fait, dans le plein le jean. Quel bonheur. Et je vous jure que c'est vrai. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de portable ou quoi que ce soit. Pour les parents, il fallait aller à l'accueil du collège. Bah, c'est ça. Non, à la CPE pour dire que t'allais partir. Donc en fait, ce qui se passe, donc, c'est j'ai le froc plein de merde. Il y a une flaque de merde au troisième. Le monsieur bâtard dit bah, je veux faire mon cours, hein, du coup. Quel bâtard. Je suis là et je me dis bon, bah, faut que je me changer. Donc en fait, je descends les trois étages en essayant de, enfin, avant de partir, d'enlever toute la merde qui coule de ma jambe. J'en peux plus d'entendre ce mot. Le mot merde me fait du mal. Je descends et je vais dans les toilettes qui sont à l'autre bout de la cour, évidemment, pour ajouter un peu de gag, ce qui fait qu'on peut tracer un peu mon chemin via un peu de merde. Le petit pousset de merde. Le petit pousset de merde. Je vais aux toilettes, je m'essuie comme je peux. Le petit pousset. Allez. Il poussait l'imparfait. Il poussait de la merde, du coup. Il poussait pour faire caca. Bien joué. Et donc, du coup, je vais aux toilettes pour m'essuyer. Là, le dernier petit détail pour changer tout, c'est qu'il y avait une nana au lycée qui partait du lycée ou je sais pas quoi, 3 mois avant, qui, pour la blague, m'avait offert une culotte avec écrit des trucs rigolos dessus. Et qui était dans mon sac. Je sais pas ce que ça foutait dans mon sac, c'était là depuis un mois. Et mon caleçon était ruiné, je pouvais pas le remettre. Et j'ai mis une culotte de fille pour rentrer chez moi. Et je suis rentré à pied, je vais aller sur Google Maps tout de suite pour voir à peu près combien de kilomètres j'ai fait. Même tu fais ça, d'ailleurs, heureusement qu'il n'y avait pas de portable en vrai. Parce qu'aujourd'hui, avec Snapchat, ce genre de truc, en plus de faire de la honte sur le moment, c'est humilié sur direct les réseaux sociaux et tout. La différence est incroyable. Hein. Et en fait, j'ai croisé mes potes en sortant du lycée, genre, faut que je rentre chez moi. Et tu sais, c'est tes potes proches, donc tu sais pas s'ils vont te tuer de moquerie ou se marrer en disant, mon gars, c'est horrible et tout. Et les deux, hein, clairement, il y a eu les deux. Seulement, ils ont fait, oh merde, chaud, bah un mec rentre bien et tout. Et après, vraiment le lendemain. On fait, mec, c'est fou, incroyable. Donc j'ai fait une demi-heure à pied avec post chiasse. Mais t'as dû te tailler les chairs avec la. Non, mais d'autant que autant fille, déjà, et en plus j'étais déjà un peu en surpoids, donc beaucoup trop petit pour moi, vraiment en tout point. Et surtout, le jean, lui, était encore imprégné de merde. Hein. Donc voilà, et donc tu ouvres à 17 ans, tu vas voir ta mère et tu dis, bah faut laver mon pantalon parce que. Bah, tu l'avais ramené quand même. Il est imbibé. Bah, j'allais pas rentrer en slip. J'allais pas rentrer en slip, tu vois. Et j'étais là, genre, bah il a imbibé de merde, donc je vais le jeter. Elle a fait, ouais, jette-le. Je vais pas nettoyer la merde de mon fils alors qu'il va avoir 18 ans cette année. Il va avoir son bac. Il va avoir son bac. Mais j'ai eu mon bac. Bravo. Putain, c'est dingue. Hein. Et en fait, c'est ma grande crainte En fait, j'ai. Oui, t'as peur de chier dessus, quoi. C'est ça, quand je vomis. Et parce que j'arrive pas à contrôler, je crois. C'est pour ça qu'il boit plus, en fait. C'est vraiment le sphincter qui est sollicité à ce moment-là. Bah ouais, mais je sais pas, ils sont liés. J'ai été malade à Japan Expo une fois. Un truc de contraction du corps. Je sais pas, j'arrive pas à me contracter quand je gerbe. En tout cas, un flou de casse qui est sponsorisé par Carambar et la marque Granola. Donc j'espère qu'ils sont contents. J'espère qu'ils sont contents de la promo qu'on leur fait. Donc, on a fait quoi? On a fait une anecdote bien sperme, on est bien là. Bah, on est vraiment sur une anecdote, mais on est sur un flou de casse sans fille, donc on est très caca vomi. J'avais du pipi, moi. Ah, t'as eu quoi? Mais pareil, un peu comme toi, j'étais au collège. Je devais être en troisième, quelque chose comme ça. Et je suis quelqu'un de très rieur. Bon, ça se voit pas spécialement. il est rieur. J'ai les rires faciles. Et on était au self. On arrivait au dessert, donc on avait quasiment fini. Et il y a un mec, un peu quelqu'un de votre trempe, qui sort une blague plutôt bien faite. Et je me mets à rire tellement fort que je me pisse dessus, mais de rire. Mais, il... mais wow. C'est incroyable. Un petit jet. De l'urine. Ou... Non, mais... c'est-à-dire. Donc c'est juste quand ça tu branles, ouvert quand la tu branles, et je n'ai pas pu arrêter. C'est-à-dire que j'ai fait. Mais enfin. Un litre. Mais... Non. Un litre. Une Volvic. Une bouteille de Volvic. Le froc, oh, et on était tabouré un petit peu incurvé, donc je patauger un petit peu dans la ça, mais t'as pas pu arrêter le flux? Non, bah après, du coup, le rire s'est arrêté très vite, instantanément. Non, je parle du flux de pisse. Non, mais d'ailleurs, c'est un très bon moyen d'ailleurs d'arrêter. Est-ce que tu l'as regardé droit dans les yeux, ton flux de pisse, en disant arrête, s'il te plaît? Et j'ai dit non, mais les mecs, j'ai pissé là. Arrêtez, non, c'est pas drôle. Ils se sont tous barrés avec leur plateau, je me suis retrouvé tout seul pour le coup, grande solitude. Les bâtards. Et je suis parti après tout seul avec mon plateau, j'ai traversé la cour. Avec une toile humide, pantalon, et je suis parti à l'infirmerie. Une quechua d'automne, ouais, comme on dit. Un vieux jogging de sport que qu'un élève obèse avait oublié. mais très très dur ça aussi. Ah bah, j'imagine. J'ose plus rire au restaurant, des choses comme ça, parce que des traumatismes comme ça. Ah, c'est ça, c'est l'horreur. Mais après, la solitude, c'est pas non plus que des trucs dégueux. Enfin, il y a des trucs de honte aussi. Oui. Adrien, oui. T'en as eu un, toi? Bah, j'ai pas trop de. Alors, j'avais un truc de pipi, mais qui est quand même moins honteux que. Le truc de Julien, mais je vais raconter parce que j'ai pas autre chose en tête, et puis on comprendra si c'est pas très marrant. En fait, je sais plus quel âge j'avais, j'étais encore en primaire, donc c'est ça va, t'es jeune, mais, la trentaine, mais je pense, non, j'avais plus de 10 ans, enfin en fait, je sais plus quel âge j'avais, mais je me souviens que quand c'était arrivé, je m'étais dit, je suis vraiment trop vieux pour que ça m'arrive. Ouais. Et en fait, je rentrais de l'école qui était pourtant vraiment pas loin de chez moi, je rentrais à pied, et j'avais envie de pisser en partant de l'école. Et c'est vraiment 5 minutes à pied. Et j'avais vraiment très, très, très, très envie d'uriner. Et j'arrive en bas de chez moi. Donc, je suis arrivé, quoi. Il me reste 20 mètres. Et je pisse dans mon froc, vraiment dans la rue, la porte qui mène à chez moi. Je me pisse dessus. Mais vraiment. T'as même pas cherché à sortir de ton vide. J'ai même pas, non, j'ai mis la main sur la poignée. En fait, je vivais dans une maison, donc il y avait une porte d'entrée. Ensuite, on montait les escaliers et après, on arrivait dans la maison, quoi. Ouais. Et vraiment, la porte qui donne sur la rue, je me souviens, je prends la poignée et je pisse. Il y a un petit moment où je suis vraiment. Il y a un petit moment de soulagement. La poignée dans la main en train de pisser, genre bon, bah voilà, donc je pisse. Hein, donc ça y est, je suis en train de faire ça. Et donc je fais bon, bah c'est pas grave, voilà, j'ai pissé, mais bon, je suis arrivé chez moi, quoi. Voilà, mais pareil, la fini, honte. Toi aussi. Je suis allé jusqu'au bout. Je suis vraiment allé jusqu'au bout. J'avais un Bermuda. Il était entièrement. Il y avait un Bermuda. C'est con. T'aurais pu gérer. Ouais, non. J'ai vraiment mal géré. Je sais pas. En plus, ce qui m'a pris encore aujourd'hui, parce que j'étais quand même assez grand et j'ai vraiment juste pissé, genre vraiment au bout du rouleau. Je fais bah je pisse. Bon. Non voilà. Mais je me disais bon bah voilà. Au moins j'ai pas la honte de me balader dans la rue. Je suis arrivé chez moi. Je monte les escaliers et je tombe sur ma mère qui était. Avec un invité, il y avait un gars qui était là. Ils étaient en train de prendre l'apéro, assis sur la terrasse. Et moi, j'arrive, et donc là, je vois ma mère qui me regarde et son pote qui me regarde. Évidemment, très rapidement, leur regard se pose sur mon Bermuda qui est ruiné de pisse, quoi. Et ma mère, qui, avec, dans un ton mêlé d'étonnement et de surprise, et de vraiment de genre un peu agacé, genre je lui fous un peu la honte, et, elle dit bah alors ? Et moi, je me souviens que j'avais voulu faire genre. Le mec jovial qui c'est pas grave quoi, tout le monde pisse, tu vois. Et j'avais pas dit ça, mais j'avais dit Patrick Sébastien, ouais, tout le monde pisse. J'avais dit j'ai pas pu m'empêcher. Et vraiment sur un ton genre c'est la vie, tous les petits soucis de la vie, et allez on fait pipi. Et je me souviens vraiment qu'il y avait vraiment beaucoup de jugement dans le regard de ce barbu. Qu'on embrasse, hein, je crois. Qu'on embrasse voilà, et vraiment ma mère qui avait vraiment dans son regard le genre tu es vraiment en train de me foutre la honte en te pissant dessus devant mes amis. Voilà. Magnifique, on l'a fait, putain. Oh là là. Merveilleuse. Mais est-ce que autour de la table, parce que c'est les plus marrantes, mais est-ce qu'on a des moments de solitude palliés au pipi ou au caca? Salut, c'est la fin de. C'est la fin du podcast. Je crois, Carlito, t'as des trucs, toi? Ouais, des trucs plus sérieux. Bah dis-nous, tu rigoles. Oui, qui ne concerne pas un peu. C'est vrai qu'on était un peu. On est parti très vite sur le pipi, le caca et le vomi. Pourquoi? Parce que c'est super marrant. Bon, c'est vrai que c'est marrant, c'est la vérité. Non, mais tu sais, dans les histoires d'amour, il y a des trucs. Ouais. Il y a des histoires d'amour où tu maîtrises pas. Moi, ça m'est arrivé en tout cas, je sais quelques-uns de mes potes aussi, où tu... En l'occurrence, je sortais avec une meuf que je trouvais hyper sexy, une porn star vraiment, elle me rendait fou. À tous les niveaux, à plein de niveaux, psychologiquement un peu tordu le délire, tu vois. Mais j'en étais fou, en tout cas passionné, tu vois. Ouais. Et je la suivais partout. Enfin, tu vois, tu te lèves tôt, tu te couches tard, tu veux savoir ce qu'elle fait, c'est un peu vicieux. Ouais. Alors que dans ta vie, moi, je crois pas être trop comme ça, mais là, elle m'a eu, tu vois. Pendant quelques mois, c'était fou. C'était mon idole, la meuf. Et à un moment, elle part au Maroc, tu vois. Elle faisait un peu d'humanitaire, un truc un peu chelou. Je sais pas ce qu'elle branlait là-bas. Mais bon, elle allait à tous les râteliers, si tu vois ce que je veux dire. Mais peu importe, ça, je m'en suis aperçu progressivement qu'elle était complètement ch'tarbe. D'accord. Et elle me respectait pas trop. Ça arrive aussi dans les relations. Ça, c'est dur. Tu crois, et en fait, non, pas du tout. Mais elle ne t'aime pas, ne te respecte pas. Fais très attention. Ouais. Mais moi, j'étais dans la spirale. D'accord. Et je me dis, j'y vais, je vais lui faire une petite surprise au Maroc. mec, je me souviens tellement de ça, mec. Continue, je t'en supplie. Non, mais là, parce que là, c'est un vrai moment de solitude, un poil sérieux, en vrai. Mais pour dire, même pour les gens qui nous écoutent, tu vois. Parfois, t'es fou, tu deviens fou et t'as des œillères un peu. J'avais aussi conscience que c'était tordu. Mais malgré tout, même quand t'estimes avoir conscience, t'es quand même déboussolé. En tout cas, là, c'était le cas. Je pars au Maroc, genre petite surprise. J'avais pas de thune à l'époque, tu vois. Ça, c'est quand même un délire. Hein. Tu parles, aller-retour, tout ça, c'est un peu chaud. J'ai emprunté de la thune à ma mère pour aller voir cette meuf qui ne m'a jamais répondu. C'est incroyable. Mais... Puisque avant de partir, je lui ai dit, je te rejoins. Tu sais, genre, allez, parce que tu dis, je vais quand même lui dire, je viens. Ouais, t'as trop peur, ouais. Bah déjà, faut savoir où elle est. Ouais. Déjà, même, c'est le Maroc, c'est, hein. C'est un pays, c'est un pays. Ça reste un pays. C'est un pays, en fait. Et, je me rappelle. Il n'y a pas de centre-ville au Maroc, disons. Vu que c'est un pays. Non, mais j'avais dans quelle ville elle était. J'avais le blaze. Malheureusement, je me rappelle pas le blaze. Mais Essaouira, un truc comme ça. Agadir. Agadir. Et j'avais Agadir. C'est très grand. Agadir, c'est une ville. C'est une des plus grandes villes. Comparé à Colmar, oui. Et j'avais de souvenirs de discussions. Pas du texto que j'ai envoyé avant de partir, sur lequel je n'ai jamais eu de réponse. Ça commençait mal, mais tu dis, c'est pas grave, elle captait pas, la petite. Et t'arrives à Agadir, mec. Et chaque heure qui passe, tu te rends compte. mais tu vois, parce que c'est ce que tu disais, le moment de solitude aussi, ça mais peut c'est apprendre. Dur. Ça peut t'apprendre c'est des trucs. C'est très dur. Et j'ai cherché, j'avais plus aucune thune. Tu captes pas, tu n'as pas de réseau. Orange, Carlito. Orange, c'est pas comme ça que ça marche. Donc t'es en galère, mec. T'es complètement con. C'est fou. J'arrivais pas à la joindre, j'étais perdu. J'essayais de me rappeler dans mes souvenirs où elle était. Et attends, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, au bout d'un moment, j'arrive à la joindre par téléphone, ça captait mal, tu vois, et je suis passé par des mecs rebeux qui me disaient « elle est là » et tout, et elle me dit genre des infos, et en fait, je comprends qu'elle a aucune envie de me voir, d'accord, tu vois, elle me dit pas « ouais, on se retrouve, c'est génial, on va au bord de la... » Tu vois, moi, je voulais faire ça, faire l'amour à la plage, tu vois, le mec fou amoureux. Et elle me sort un charabia et je comprends que c'est niqué, tu vois ce que je veux dire. C'est dur, hein, je fouille dans mes souvenirs. Mais elle me dit pas, ouais, elle essaie de noyer le poisson. Quoi. Que tu m'avais raconté, tu m'avais appelé quand on était là-bas, je me souviens, et effectivement, tu m'avais dit, la meuf, elle m'a embrouillé, quoi. Elle m'a embrouillé. Mais je peux pas, là, je travaille. Je peux pas, trucs, là. Viens pas, non, mais viens pas ce soir, peut-être viens demain. Ouais, peut-être, j'ai pas les détails, cher Adrien. D'accord. Mais l'embrouille. Ah, et tu dis, mais alors que tu croyais que c'était Roméo et Juliette, vraiment. Enfin, vous connaissez ça, là. Tu crois que c'est la passion. Moi, c'était pas le cas. Mais c'est normal, ça arrive. Ça arrive. Et la première nuit, j'ai dormi dans un hôtel que j'ai payé très cher. Et la deuxième nuit, j'ai dormi dehors. Oh, putain. Et je suis rentré chez moi et voilà. Et après, c'était fini. Sans la voir. Sans la voir jamais. Oui. Ah la vache. Tu vois ça ? Ça, c'est pas... ça, c'est un moment de solitude. Comme quoi, se chier dessus, c'est moins grave au final. Vraiment, je préfère mes chier. J'avais envie quand même dans ce floodcast de te dire un vrai truc. Mais faux, mais mec, c'est dingue. Parce que j'en ai une aussi où ma première meuf m'a coupé en me branlant, ouais, m'a arraché le frein. On a vachement fait. Ah oui, ça arrive beaucoup, ça m'est arrivé aussi moi. Ouais, tu peux... Non mais juste, donc, t'as jamais eu de nouvelles de cette meuf après ? Après, tu lui as jamais dit, dis donc. Si, non, c'est juste que, ça c'est techniquement ça s'est fini là puisque ça. Bah oui, normal. Ça c'est un gros truc. Et après non, il y a eu, si, on s'est reparlé, on s'est revu et tout. Mais c'était plus, ça marchait plus quoi. D'accord, ok. Ah, mais il y a eu explication ou elle t'a dit non, mais ça m'intéressait pas Mais j'étais encore dupe, hein. C'est-à-dire que j'avais compris au fond de moi que c'était mort. Ouais, mais concrètement. C'est pas sa faute, c'est ça que tu te disais. Ah bah pas de bol. Il m'a fallu. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, il m'a fallu quelques semaines encore. Putain. C'est particulier les trucs. Mais en tout cas, au moins cette meuf, j'ai pris de l'expérience, je vous jure. Mais oui, le râteau est un moment de solitude. Il y a eu un râteau dégueulasse autour de la table. J'ai l'impression vraiment d'être Arthur ou Hanouna. La phrase autour de la table fait très Arthur Hanouna. Quelqu'un a eu un râteau au moment de solitude? Moi, jamais de râteau tout court. Parce que j'ai jamais eu le courage de demander à une fille. Donc, voilà. Moi, j'ai pas eu de râteau, mais j'ai eu un truc à l'école primaire où j'étais un peu précoce. Je suis allé voir la plus belle fille de l'école pour lui dire que je l'aimais, mais j'avais pris mon courage à deux mains. C'est-à-dire, je me motivais depuis deux semaines. Ouais. Tu sais, t'es jeune, t'es un bébé. Et du coup, je la vois toute seule et je vais la voir et je souffle un grand coup. Et je t'aime. Et elle me regarde, elle me fait ouais, je sais, ouais. C'était Han Solo. Des câlins, et des câlins, je suis parti. Voilà. Oh non, et mais je suis reparti dans la cour jouer au ballon prisonnier. Avec ma peine. Julien Pestel. Et le soir, t'as bien pissé, mon pote. Ah putain, les râteaux. Ouais. J'ai envie de t'embrasser. Les râteaux. Cette anecdote. Moi, j'ai eu un moment de solitude, je l'ai déjà raconté sur Snapchat. Mais, mais voilà, je vais pas tant de gens sur Snapchat, donc autant le dire ici. J'ai fait une date Tinder. Oh. Et les dates organisées peuvent entraîner, je pense, des moments de solitude horribles. Voilà, je date une meuf sur Tinder. Et intérêt en commun, Will Ferrell. Donc voilà, ça me suffit d'avoir une conversation. Et je fais ah, chambé, putain, machin. Will, la fille est un peu jolie sur les photos. Voilà. Et donc voilà, on chat, et c'est cool. Et du coup, on finit par se dire ah, venez, on va. Enfin, viens, on va boire un verre, quoi. Donc on fait ça. Première date de ma vie. C'était il y a un an et demi, deux ans peut-être. Donc vraiment, c'est assez récent. Mais c'est resté ma première date à base de je l'ai jamais croisé de ma life. On va se boire un verre après un truc Tinder, quoi. Donc aucun sens pour moi. J'y vais et tout. Et voilà, on parle et en fait, bon, vraiment, elle ne m'intéresse pas beaucoup. Non pas qu'elle est inintéressante, mais qu'on a vraiment pas les mêmes sujets d'intérêt et que vraiment, c'est du vent beaucoup qu'on s'échange. Et à un moment, elle me dit, oui, machin, il y a un client qui arrive à ma boutique, il me fait « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, elle prend l'accent belge, surprenant, dans une date, déjà. Oui, oui, c'est audacieux. Mais tu vois, mais ça va, tu vois. Moyennement hot. Dans une date Tinder, surprenant. Mais je me dis « Ah, c'est marrant, hein, tu fais l'accent belge, tu sais pas quoi dire, tu fais « Ah, c'est marrant, tu fais bien et tout ». Elle fait « Ouais, ouais, ben, y a un autre accent que je fais bien, c'est l'accent noir. » Oh là là là. L'accent noir. Donc du coup, non mais je sais aussi faire l'accent noir et j'ai un peu votre réaction, mais tu peux pas dire, t'es vraiment une raciste et je me casse dans une cape, tu vois. Je lui dis, l'accent noir. Et là elle me dit, ah oui c'est vrai, pardon, c'est pas bien d'être raciste. Ouh là là, pardon, le racisme, c'est pas bien, pardon. Et je comprends pas le ton de la phrase. Normalement tu dis, le racisme c'est pas bien. Tu dis pas, oh là là, oui, le racisme, ouh là là, c'est pas bien. Sauf elle n'était pas en second degré. Elle était pas non, elle était en mode. On peut plus rien dire. Ouais. Et j'étais là genre ouais. Tu sais, avec le faux rire, le rire jaune, hein, j'ai envie de dire, mais pas le youtubeur, le Kevin Tran, hein, pas le... Et j'étais là genre ouais, c'est pas bien, ça, je fais genre j'ai pas vu le second degré. Et elle me dit ouais, le premier degré, quoi. Là elle me fait donc l'accent créole. Non, donc du coup t'as envie de mourir un peu, tu fais machin. Donc là vraiment tu dis bon bah vraiment jamais bandé, jamais, absolument jamais. Et derrière donc là j'arrive pas en fait à dire stop, et ça c'est un gros problème. J'arrive pas à... donc à un moment je prétexte que je dois partir quand même, mais il se passe quand même bien une demi-heure avec quelqu'un vraiment dont tu n'aimes pas les propos. C'est long, c'est vrai, très très long. Et ouais, j'ai l'impression, tu sais, dans On n'est pas couché, le premier invité politique où ça dure 2h30 et quand t'es pas d'accord avec lui, t'as envie de mourir. C'était ça. Surtout que ça suit le flop 10. Donc, c'est surtout horrible. Ça qui est difficile à vivre. Et donc, du coup, je suis là et tout. Et là, elle me fait ah, bah, je vais te montrer des photos de mes vacances. Et je fais yes. Elle me sort le téléphone et elle me passe 2-3 photos. Une photo où elle est en maillot de bain. Je fais oh, cool, très bien. Donc, cool. Une photo machin, une photo de ses vacances, et là une photo où elle se tient un peu, elle a une espèce de petit déhanché comme ça, un peu Barbie, tu vois, sauf qu'elle a un fusil dans la main gauche, et que derrière elle, il y a un cadavre de cerf éventré du menton à la panse. T'as fait un date Tinder avec Donald Trump. Vraiment, c'est incroyable. Et vraiment, il y avait des viscères, et vraiment j'ai une réaction de, t'as vu une image qui change, il fait, oh putain. Et tu sais, je fais oh, ah ouais, d'accord, là, tu chasses. Elle me fait ah, j'adore ça, ça me une détend. Chasseuse. Et elle me dit j'adore ça, ça me détend. Oh là là, Et très belle personne. Et je lui dis ah, et du coup là un peu genre ah ouais, tuer des animaux ça te détend, c'est cool, tu vois, je fais un peu une ménielle, tu vois, genre oui, tu lui fais du sarcasme, j'ai pas inventé le sarcasme, tu vois. Tu portes le drapeau. Et là elle me dit ah oui d'accord, donc en fait on peut, voilà, ok, super, on peut pas donc, tuer des animaux et on peut pas détester les noirs. Non mais justement, et du coup non mais mec, du coup je rentre chez moi, Je n'envoie évidemment aucune nouvelle parce que en plus je suis lâche, tu vois, je ne me permets pas le. Ça marchera pas. Non, j'arrête tout contact directement. Et elle m'envoie un message Facebook parce que je n'avais pas donné mon numéro. Et je m'envoie un message Facebook. Elle lui envoie une croix gammée en MMS. Elle m'envoie un gif animé. Elle avait un emoji croix gammée. C'était fou parce que ça n'existe pas. Un emoji Goebbels. et du coup, en fait, elle me dit je préfère te le dire, on se reverra jamais. D'accord. Parce qu'apparemment, vu qu'on peut rire de rien avec toi et que, que la chasse ça te choque, non, c'était juste raciste et sale. Et c'était vraiment Donald Trump en blonde. Voilà. Nous, on est en un moment de solitude, mais cool. Alors là, vraiment, Smile est très content. Très bien. Donc, bonne ambi. On faisait une émission de radio avec Carlito il y a des années qui s'appelait La Metal Academy sur le Move. Et à la fin de cette émission, il y avait un mec qui enchaînait, qui prenait un jeu qui s'appelait. Oh, ça va vous plaire, ça. Qui s'appelait le Live. Je peux dire son nom. Ah, bah évidemment. C'était Pierre Decaune. Donc, c'est de la famille d'Antoine Decaune. D'accord. Et est-ce que c'est de la famille d'Emma Decaune, du coup ? Totalement. Bien sûr, c'est logique, c'est sa fille d'Antoine Decaune. C'est lié, finalement. Et ce mec faisait un live après. D'accord. Et ce mec-là, on s'entendait bien avec lui. De la famille de Louis Decaune ? Peut-être. Le fils d'Antoine Decaune ? Du coup, ça arrête du sens. Du coup, oui. Et il fait une émission après, on s'entendait. Ouais. Désolé, hein. Est-ce qu'il est de la famille de Denzel Decaune ? Qui est une personne que je viens d'inventer. Ah ouais, d'accord. Mais qui serait lié à. Qui serait le cousin d'Antoine Decaune. Ah bah mais si tu l'as inventé, il y a peu de chance quand même. Ouais. Denzel. Dans ma tête, c'est le meilleur blaze. Je suis le cousin d'Antoine Decaune dans ma tête. Donc. D'accord, bah dans ta tête, il y a une liaison. Alors. Du coup, c'est. Oui, mais uniquement dans ta tête. Très bien, okay. Voilà. Donc le live. Il faisait une émission de live où en fait il diffusait des lives de plein de groupes de rock. C'était très simple. Là. Et ce mec-là, on s'entendait plutôt bien avec lui, mais c'était un peu l'amour vache avec lui. Genre, il écrivait des textes pendant des heures, on arrivait derrière lui, on le bloquait les mains, on faisait CTRL-A, SUP, CTRL-S. Oh, oui. Des choses comme ça. Ou lui-même venait dans notre émission et il nous chiait dessus. Ou alors, quand il y avait un buffet, on se faisait des bastons. On se taquinait, quoi. On se taquinait. C'était comme ça. Donc. Comme il venait après notre émission, on le taquinait aussi à l'antenne. Et au début, on disait n'écoutez pas l'émission qui suit, ce n'est vraiment pas bien, ça ne sert à rien du tout. Puis avec le temps, personne ne nous disait rien. Après un an, deux ans d'antenne, on en venait à de plus en plus dire vraiment c'est de la grosse merde, c'est de la chiasse. Je ne vois pas pourquoi vous quittez, allez sur Énergie, vraiment une autre radio, ne restez surtout pas pour le live. Mais puis c'est vrai, c'était notre manière. Oui, c'est vraiment qui aime bien, châtie bien. C'est notre manière de le lancer. Et c'est fini. C'était des démonstrations mathématiques pour prouver qu'il était inférieur ou égal à zéro. C'était c'était vraiment le truc le plus dingue. Et au bout d'un moment, on apprend qu'il nous attente. C'est ça qu'on dit ? Un procès. Pour diffamation. Donc on fait ah quand même. Peut-être nous dire juste arrêter. Non. Attends. Non. Pour être plus précis, puisqu'il avait conscience de nos bonnes relations mine de rien, un procès à Radio France. Oui, il fait un procès à Radio France en disant la Metal Academy me injure public quoi. Parce que voilà, il m'insulte tous les soirs. Il avait vraiment raison, mais bon. Mieux qu'à la prescription. En l'occurrence, il suffisait de venir nous voir, par exemple les patrons de la radio, de dire le lancement, faites un truc normal, juste vous dites écoutez la prochaine émission. Bon. Et il récupère les enregistrements et tout. Bref, on se retrouve à avoir un procès au cul. On avait 20 ans, même pas. Et donc l'amitié, donc depuis le lycée avec Carito, ça fait déjà des années. Voilà. On se retrouve, on a un procès. Et je passe les détails. On va à la police judiciaire, des trucs chiants, etc. Et arrive le jour du procès où on se retrouve au tribunal de grande instance, mm-hmm. dans une salle avec vraiment le procureur, une audience, etc. Greffier, qui a un rôle très important. Et on est tous les deux là. Il y a ce mec Pierre Decaune. Et à un moment, c'est pas marrant du tout. Même pour un truc comme ça, ça paraît léger. Mais en fait, quand t'arrives là-dedans, tu te dis. Merde, j'ai fait un truc grave. Ouais. Et c'est pas de la rigolade. Ouais, c'est un vrai tribunal. Une ambiance lourde. Ouais. Ouais, ouais. Tu dis, là j'ai fait le con. Vraiment, de me retrouver là, c'est pas cool du tout. Et même, à mon avis, pour une petite infraction, même de la route ou quoi, quand tu te retrouves là, ça fout vraiment la pression. Et il est là, et le juge, mon gars, c'est vraiment le truc typique que t'aimes pas. Quoi. C'est le mec sérieux, mais tout pinçant, piquant. Et t'as pas du tout envie d'avoir des relations avec lui. Sexuelles non plus, d'ailleurs. Et on se retrouve là, donc nous on est là, on est un peu dégoûté et tout. À un moment il dit bon bah voilà vous, il explique la situation à toute l'audience et tout. Et puis il dit voilà maintenant on va écouter les extraits en question. Et donc là mec, il prend un CD et il met et il diffuse dans ce tribunal. Ça met du temps tu sais. Ça met du temps et il met les extraits où en gros c'est salut mec Blake, salut Carito. Et ben alors qu'est-ce que c'est Pierre Decaune, inférieur égal à zéro avec des trucs de gamin. Et là mec on commence à rougir parce que tu sais ça commence à déclencher un fou rire. Les larmes qui commencent à couler, nous on se tenait, tu sais, j'avais envie de gerber mes entrailles de rire. Et là, le juge nous dit, s'il vous plaît, ne rigolez pas. Et sauf que quand il dit ça, c'est genre plombant. Tu rigoles plus normalement. Et là, mon gars, on explose de rire dans la salle. Et tu dis, c'est perdu le procès. C'est, on a perdu le procès. C'est parce sûr. Que vous avez ri. Et c'est ce que t'es censé dire. Oui, bon, ok, on a fait les cons, on est désolé. Au lieu de ça, on rigole regrette. De nos au lieu de regretter, on rigole de notre propre connerie. Et on a extrêmement, extrêmement rigolé. C'était le moment le plus violent de notre vie de joie. Et j'ai été condamné à 500 euros d'amende avec sursis. Et moi, non. Et toi, pas. Ce qui est totalement injuste. C'est moi qui ai pris. Totalement ouais. arbitraire. Parce que je l'avais traité de vomi du monde. Et pour, ils ont dit, voilà, vous êtes condamné à 500 euros pour vomi du monde. Voilà. Allez, autant inférieur à zéro, ça va. Vomi du monde, c'était la blague de trop. C'est ouais. ça. D'accord. Et que alors que maintenant t'essayes de le sauver le monde. Comme quoi c'est vraiment. Bah ouais. Parce que sans déconner. Hop hop hop hop. Attention. On va écouter ça. Va. On va se retrouver dans un tribunal dans 10 ans. Ils vont mettre un extrait du flou de cas. Excusez-moi. T'es pas sur l'antenne publique. Non. Et je suis prêt, tu sais. Moi. Est-ce qu'il est juste de la famille de Djibril de Cône? Ah le c'est le. C'était l'avancement de la Saint-Étienne qui ouais. est a priori cousin germain de Antoine de Cône. Et bah ouais carrément. Ouais c'est ça. Adrien toi t'as un truc aussi? Alors c'est un petit truc, c'est assez léger, mais voilà, c'est un jour j'étais, voilà, non, j'étais à une soirée avec des amis et il y a la seule amie qui avait une voiture qui nous ramène tous chez nous, j'habitais en banlieue donc on habitait tous plus ou moins dans, pas très loin quoi, et on est 5 dans la voiture et c'est la nuit et on est en train de rouler machin. Et puis waouh là, une bonne ambiance, on rigole. Les galéjades. Et il y a une forme sur la route qui bouge, qui était clairement un sac plastique. Voilà, c'était un sac plastique qui est en train de rouler à cause du vent sur la route. Et voilà. Et, c'était mon anecdote. Voilà. Et vraiment, ça m'a mis mal. L'angoisse quoi. Bah merci. C'est quoi le prochain épisode voilà. de... Donc méfiez-vous des apparences. Non. Je veux la fin. Je veux trop la fin. Non. Non, et donc il y a ce sac plastique qui virevolte et par réflexe la fille qui conduisait. C'est fini. Non, la fille qui conduisait, elle ralentit. Et la fille qui était à côté d'elle, qui d'ailleurs, petite anecdote, était la belle-sœur de Aurélien Prévost de Golden Moustache. Ah, voilà. Aucun lien avec Antoine de Cône. Non. Non, très bien, aucun. Bon bref, il y a ce sac plastique qui virevolte. La conductrice ralentit et la fille qui est à côté d'elle dit « Oh, c'est quoi ça ?» J'adorerais que ça se termine. Non, c'est mon rêve. Et la conductrice dit « Ah, c'est un sac plastique, je pense. Et moi. Stop, dis-moi que ça sera. Et moi, pour faire une blague, je dis. Non, t'inquiète pas, c'est un chat. Et la. Non, je dis. Oh non, c'est pas grave, c'est un chat. Et la fille, donc la passagère, l'a fait. Oh non. Et là, je me suis instantanément souvenu que 3 jours avant, son chat s'était fait écraser par une voiture. Et vraiment, ça n'avait rien à voir à ma blague, bien sûr. Et donc, j'ai fait. Et j'ai tenu le bras de mon pote qui était à côté de moi du genre putain j'ai fait la pire blague et il y a eu vraiment un moment de silence qui était atroce. Ah bah. À moi ouais. Voilà. Mais moi dans les moments de solitude un peu similaires c'est dire du mal de quelqu'un qui est en fait un ami de la personne à qui je parle. Oui. Enfin ça c'est à peu près hebdomadaire en termes de moments de solitude. Moi j'ai dit une soirée j'ai dit il paraît qu'Antoine de Maximi c'est un connard et la personne à côté m'a dit c'est mon cousin. Est-ce que cette personne était Abdelkrim de Maximi? Bon écoutez, je crois que c'est la fin de ce foodcast, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on discute. Avant toute chose, un petit tour de table sur vos prochaines actus, parce que ça fait toujours plaisir, on n'est pas obligé, mais ça fait toujours plaisir. Julien Pestel, oui. Toujours Pestilos. Toujours jouer la comédie, toujours, oui, toujours écrire toujours. Des choses. Aussi, oui, oui. Tu as joué dans un film, j'ai joué dans un film l'été dernier, voilà, qui va sortir le 2 novembre prochain, donc on aura l'occasion d'en reparler. Bah, j'espère, le film du coup, du Palma Show. Du Palma Show, voilà. Voilà, réalisé par Jonathan Barré. Barré, voilà, qui réalisait les sketchs aussi, qui signe également son premier film lui aussi. D'accord, et du coup, je crois qu'on peut. Enfin, ça va filtrer un peu juste l'histoire en tout cas. Tu peux nous dire comment ça finit en tout cas. Non, c'est une énorme comédie d'aventure qui se passe pendant la guerre de 39-45. Où Grégoire et David, donc le duo du Palma Show, font deux paysans un peu débiles qui sont envoyés sur le front de la guerre de force et qui ne vont avoir de cesse que de vouloir rentrer chez eux par tous les moyens. D'accord. Mais ça ne va peut-être pas se passer comme prévu. Ah, merci Laurent Veil. J'ai vu le casting un peu filtré. Or toi, tu sais que j'adore, que je fais, voilà, dont je suis absolument fan du travail. Il y a un très joli casting. Il y a un joli casting. On peut en parler parce que c'est sur Allociné. Ouais, c'est pour ça que je me permets. Je crois qu'il y a, alors, il y a Bernard Farcy. Il y a Bernard Farcy, l'inspecteur, le commissaire Gibert de Taxi. Bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Et non, puis génial, mec. Et il y a toute une, en fait, il y a toute une bande que vous voyez souvent dans les sketchs internet, dans le Palma Show. Tu le diras sûrement mieux que moi, j'ai pas oublié, mais il y a Thomas VDB, Simon Astier, je sais plus, il y a Alban Lenoir qui a fait un truc, il y a Jean-Marc Alban Lenoir, il y a Kian, il y a Monsieur Poulpe, Oui, et il me semble qu'il y a Adrien Méniel, il y a Adrien Méniel et Vincent Tirel. Voilà. Des petits rôles, mais on est vraiment très très content d'avoir joué dedans, notamment parce que. Un bel élément du casting, Dominique Pinon. Oui, oui, il y a plein vraiment, voilà, y a plein de comédiens de cinéma. Personne que j'admire depuis longtemps, et j'ai joué une scène avec lui. Donc, je savais pas. Plein de comédiens charismatiques. J'ai joué donc chez Christophe Lambert aussi. Christophe Lambert, Foresti. Christophe Lambert, en plus, ça fait longtemps qu'il joue avec vous, enfin avec le Palma. Il les a aidés à se produire au début, en fait, au début des sketchs. Et du coup, là, pour le clin d'œil, il a un rôle sur le film. C'est trop cool, c'est charmé. J'espère que ça va bien marcher. Bah oui. Bah ce serait fou en vrai. Croisez les doigts. On leur souhaite. C'est ambitieux, c'est un projet très ambitieux. On est sur un film quoi. On n'est pas sur du footage. Comme, oui, c'est comme ça. On a pu en parler. Là, c'est une image cinéma quoi. Ouais, c'est ça. J'ai vu des images. Et ça, c'est joli. Pas mal, j'ai vu des images du petit Pestilos. Pestilos. Oh, il y a de la bonne comédie. Hey, ça joue. Ça joue. Oh, ça joue. Ça joue. Lui, quand il joue, il oublie la cam en plus, j'ai remarqué. Il se fait plaisir. Il en fait une pour le Real et il en fait une pour lui. Voilà. McFly Carlito, vous n'êtes pas une entité, mais je sais que vos prochains projets sont un peu ensemble. Oui. Puisque vous avez. Vous reprenez pas vraiment le Fat Show, mais il y a une ou deux émissions qui vont arriver. Je sais pas trop comment on peut le dire. On peut dire un peu. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de faire du Fat Show une vraie émission de télé. D'accord. Et on a tourné, en gros, un pilote. Dans le but de dire, ok, on a fait nos trucs sur internet, on a fait nos sketchs de fou et tout, qu'on s'est éclaté pendant 3 saisons. Et là, on s'est dit, on va enfin l'amener là où on veut à la télé. Donc, on va tout faire pour que c'est une forme d'émission de télé vraiment, en gardant notre identité, notre énergie et tout. Et on s'est concentré là-dessus, c'était vraiment fou. C'était excellent cette expérience. Maintenant, c'est en montage et on verra qui on arrive à donner. Avec déjà une piste pour une diffusion, une chaîne, quelque chose. La chaîne parlementaire. La chaîne parlementaire est sur le coup et ils sont vraiment très très chauds, très bizarres. En tout cas, dans les bacs en montage, il y a deux épisodes pilotes du Fat Show de la saison 4. Ouais. Très bien. Qui n'a rien à voir dans le sens où effectivement on a mis les moyens. D'accord. Golden Moustache. Ouais, a mis les moyens en termes de production. Et Adrien, toi, donc tu écris en ce moment. Bah toujours le tour du bagel, hein, jusqu'à l'épuisement et la dépression. sinon, je joue dans Le Secret des Balls. Bien sûr. Je sais plus exactement dans quel épisode j'arrive, mais tu es là. Mais je suis là en duo avec Benoît Blanc. Et Benoît Blanc, c'était que j'aime beaucoup. Et, excellent comédien, d'Internet. On s'est bien marré à tourner. On s'est aussi très bien entendu. Donc j'étais très content. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et j'ai joué dans une série qui s'appelle Like Me, qui va passer sur Disney Channel. J'ai tourné dans ça la semaine dernière et c'était marrant. Et bon, c'est le public est pas forcément celui un peu plus jeune, peut-être. C'est pour les enfants, mais avec des enfants, c'était marrant. Du coup, avec des jeunes, alors oui, mais non, en fait, enfin, oui. C'est à dire que c'est des collégiens qui sont joués par des gens de 19, 22 et 26 ans, d'accord. Des collégiens plus vieux que moi, du coup, voilà, exactement. Au début, je me disais, oh là là, je tourne avec des jeunes, je suis mal à l'aise. En fait, vraiment, ils étaient plus vieux que les gens à qui je tourne d'habitude, et ça commence. Début avril, parce qu'en fait, il monte à mesure qu'il tourne et tout. Et du coup. Et l'intrigue, c'est quoi? L'intrigue. Le rôle du cardinal Barbarin, je crois. Exact. Oui. Non, l'intrigue, ça parle en fait d'un ado collégien qui devient célèbre dans son bahut parce qu'il fait des vidéos sur Internet. Un peu comme Squeezie. Exactement. À la manière de. Et voilà, il devient connu dans son bahut et du coup, il y a des sacrées péripéties. Et moi, je joue le prof de maths. Ah qui, quel est le nom de ce personnage? Monsieur Baleu. Oui, oh, oui, c'est validé. Et prof de maths qui fait aussi des podcasts sur les maths, mais qui est nul et qui du coup essaye de grappiller la célébrité de son élève. C'est drôle, c'est formidable. Non, c'est. Est-ce qu'il fait des vues, ce prof de maths? Il fait des maths podcasts. Oh, non, il a dit non, il a dit non. Non, non. Bah, c'est génial. Et d'ailleurs, un des auteurs sur cette série est Valentin Vincent. Valentin Vincent, qu'on n'a jamais reçu à Floodcast, mais exact. Parce qu'en fait, ça fait 3 mois et demi qu'il est en Australie pour écrire des trucs. En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, excusez-moi. Je pense qu'il a très peu écrit, d'ailleurs. Honnêtement, je pense qu'il lande. Mais on l'embrasse très fort. Et voilà, qui viendra un jour dans ces Floodcasts, évidemment. Voilà, bah quant à moi, parce que voilà. Oui, si, quand même, toi, alors oui. Raconte-nous. Il y a quand même pas mal de choses dans le flobou, hein. Bah, pas tant. Non, aussi. Non, y a rien, allez, ciao. Non, comme Adrien, on écrit ensemble sur le Tour du Beagle et c'est très marrant à faire parce qu'on écrit plein de trucs différents et c'est vraiment cool. Moi, je viens de sortir un sketch sur Golden Moustache avec Jonathan Lambert et Sophie-Marie Laroui et Léonore Coste qui s'appelle L'Handicapé. Ça ne se dit pas, on me l'a expliqué. Ça s'appelle Le Handicapé, normalement. Et moi, oui, c'est un H-aspiré, ouais. Voilà, donc du coup, une vidéo YouTube avec pourtant, une faute d'orthographe de ouf. Pourtant, la veille, on en parlait et on a consulté des gens qui nous ont dit fais-moi confiance quand même, on dit L'Handicapé. Je Est-ce sais. Que sachant tu as consulté Bernard Pivot ou pas c'était ma petite amie. C'était ta meuf. Qui, au final, avait complètement raison. Hein, vraiment, du coup, on est vraiment teubés. Voilà. Pourquoi elle avait tort. Elle disait que L'Handicapé, ça se disait. C'est moi qui suivis ma meuf parce que je suis éperdument amoureux d'elle. Voilà, ça se comprend. Et un peu con en orthographe également. Donc voilà, j'ai sorti ça. Plein de projets, mais moi, voilà, bon, c'est rien de sûr et tout, donc je ne vais pas trop en parler. Tu as déménagé récemment. Mais j'ai déménagé récemment. Voilà. Et non, mais du coup, alors, j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode, mais on va essayer de faire des podcasts un peu plus fréquemment. C'est vrai là, que c'est bien. Mais c'est beaucoup plus simple maintenant parce que c'est chez moi et que du coup, en fait, il faut savoir que quand on le faisait chez Golden Moustache, il fallait récupérer les clés, pouvoir les rendre, bouger le matos, tout ça, c'est un peu chiant. Là, maintenant, c'est chez moi. Donc, je peux faire ça un peu quand je veux et je pense qu'il y aura d'autres émissions que Floodcast. Je pense qu'il y aura des face-à-face avec des gens, à deux, enfin voilà, être à deux, à chacun un micro et discuter. Des gens pas forcément d'internet, peut-être de la fiction également, j'aimerais beaucoup. Voilà, j'ai deux, trois petits concepts qui me font rigoler, des petits jeux aussi, un peu pas à la Burger Quiz, mais dans l'esprit où on peut faire des vannes et jouer. Et voilà, pas faire des directs un peu ? Des directs, moi, ça me fait toujours un peu peur. Parce qu'en fait, en gros, le direct... Surtout avec vous. Bah, ça se tient. Non, pour éviter un procès, par exemple, avec un gars de la famille de Cône. Non, en fait, le direct... Ludacris de Cône. Non, j'ai créé le silence. Un silence de respect. En gros, le direct... En tout cas, moi, je sais que je fais très attention à ce que je dis en direct. Et je préfère pas faire attention à ce que je dis et le couper. Que faire attention à ce que je dis et peut-être me censurer. Donc oui, voilà, tu en fait. Tu te chies dessus, t'as bien raison. Non, mais du coup, en fait, je pense que du coup, je suis beaucoup plus franc avec les auditeurs en étant en différé et en enlevant ce que je n'assume plus ou ce que n'est pas vraiment d'accord à ce que je veux dire qu'en direct où je fais attention au moindre mot que je dis. Donc en fait, je pense qu'on est beaucoup plus honnête en étant en différé que en direct. En tout cas, pour ma part. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien. Et c'est pour ça qu'il y a des ventres mous aussi en direct. Et que là, je pense que les podcasts sont plutôt efficaces parce qu'ils sont montés. Mais après, tu pourrais appeler ça les podcasts efficaces. Les podcasts efficaces. Ça serait super. Ça sonne bien. Non, mais en plus, voilà, j'exclus pas un jour le direct. Mais si on fait un direct, ce serait genre un direct de 20h, voilà, où on se relaie, où il y a plein d'invités qui pourraient se passer la nuit. Et qui serait plutôt innovante. En tout cas, ce serait pas banal. Ce serait voilà, ce serait atypique. Atypique. La soirée atypique. Est-ce que ça pourrait être original? Non, ça marchera pas ça. Non, ça marchera pas. Donc voilà, mais sinon des projets un peu plus longs qui devraient arriver. Mais voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce Floodcast. Merci à tous les invités qui sont autour de la table. Merci de rien, écoute, à McFly d'avoir acheté des petites pizzas. Parce que c'est toujours un régal de pouvoir manger des petites pizzas. Il a volé un sac en papier. Au Carrefour. Ah bon ? Mais non. Fallait le payer. Si, c'est payant. C'était payant. Merde, c'est un sac en carton. Tu le savais très bien, vu comme t'as regardé autour de toi avant de le prendre. Te fous pas de la gueule. Ah, mais alors, mec. En disant, je commets un vol. Est-ce qu'on peut. En faisant des doigts à des caissières. Oui, voilà, je l'ai volé. On peut se quitter en donnant un mot insolite chacun. Non. Bien sûr, on va faire un tour de table. Julien, croûte. Vilipendé. Bisque. Vilib. Okay. Bonne soirée à tous. Bisous. Merci, à vous. Ciao.